Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Oui, vous écoutez toujours Assemblage requis sur les ondes de C'est fou en compagnie de Kevin et Mathieu. Et maintenant, on accueille Simon Fitzbay pour sa chronique Paul is dead. Tous en cœur, attention. Tous les trois chambres. Oui! Non, ils font ça aux grandes gueules, fait qu'on refera pas ça. Chanter la chanson thème par-dessus. Hey, veux-tu me mettre à rire comme un débile puis à crier en studio super fort? Non, je le ferai pas. Ah. Je trouve que c'est improfessionnel et que ça sonne vraiment pas bien. Tout à fait. Hein? Hey, tu veux ma voix suave. Non, mais... T'as pas de morning man. Oui, morning man fatigué. Ouais. Rendu à cette heure-là, moi, je m'en vais me coucher dans 2 heures. À non, quand tu lèves, pas vrai? Je me lève à 5h30. Wow. C'est pas si pire, tu sais, c'est moins pire que... Salut, bonjour. Il y a beaucoup de radios, d'émissions de radio du matin et même à la télévision. Les autres, ils arrivent à 3h, commencent à monter le show. Moi, j'arrive plus tard, mais tu sais... L'émission est 7 à 9. Possible. 7 à 9, c'est pas si pire. C'est moins pire que 6 à 9. Maintenant. Ouais, 6 à 9, ça aurait été quelque chose. Surtout que les pavillons sont pas ouverts à 6h. Il faudrait que j'anime pendant 1 heure dehors, tu sais. Ça serait cool. Ça serait cool, live comme ça. Tu sors un petit micro sur le bord, tu parles pendant 1 heure. Ça serait le fun. Tu préfères des vox pop, des bulletins météo, ça serait le trafic. Le trafic pour la violette. Sur le campus de l'UQTR. Bon, il y a un camion de la sécurité qui vient de passer. Ici, ça serait plus un camion qui livre le lait et qui fait des bip-bip par un temps en onde. Ouais. Ça arrive, ça. Ouais. Tantôt, c'est arrivé. Ah ouais? Oui. Hein, c'est Coca-Cola, c'est pas du lait. Ah, oh. Excuse-moi. C'est du lait l'entend que j'allumais le lundi matin. Bon, ça c'est du behind the scenes comme on aime dans le domaine. Nous autres, parler de choses qui intéressent que nous trois. Donc, Simon, tu nous parles du mois de la mort, tu le termines, parce que tu as parlé beaucoup de gens qui mouraient récemment. Là. Oui, bizarrement, j'avais mélangé un peu le mois de la mort avec le mois de l'amour. C'est toute une histoire de couple que je vous racontais. Mais là, ça se mélange bien, ça. Aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de me concentrer sur la mort et d'y aller vraiment à fond là-dedans. J'ai pas d'introduction comme telle, tout simplement dire que lorsqu'on est une rockstar et qu'on a une mort tragique, bien souvent, notre carrière ainsi que notre vie en général va fasciner beaucoup de gens. Ouais, ça, parce qu'on est parti. Ouais, ça prend de l'ampleur et on part vite, on part d'une façon impromptue. Et donc, c'est ce qu'on essaie de couvrir en fait aujourd'hui. Une liste de rockstars qui sont décédés dans un accident d'avion. Il y en a beaucoup. Il y en a 27 en tout qui ont été répertoriés. Je suis allé chercher un peu les plus connus, parce qu'il y en a des fois qu'on. C'est des vedettes, mais de country. Les country, on les connaît pas bien, que je les ai laissés faire, mais quand même. Et c'est seulement des accidents d'avion, rien d'autre. Juste des accidents d'avion et d'hélicoptères. Non, c'est des crashs de choses qui volent. Dans les airs. Donc, ceux qui étaient à dos d'un oiseau ou. Ouais, c'est ça. Ben, s'il y aurait eu un crash de quelqu'un qui était dans un zeppelin ou des choses comme ça, ça aurait été possible, mais il n'y en a pas eu. Enfin, pas à ce que je sache. Donc, peut-être qu'il y a eu des musiciens allemands quand le Lindenberg s'est crashé, mais ça. Montgolfière, etc. aussi. Montgolfière, ouais. Des musiciens montgolfières, ça serait cool. Il aurait fallu parler peut-être des musiciens du Titanic si on avait fait des affaires de bateau, mais. Ah oui. Peut-être une autre fois dans une autre chronique. Céline Dion, My Heart Will Go On. Aïe. Ça va être le thème de cette chronique-là. Ouais, j'ai pas mort, par exemple. Ah, ça va être bon. Ouais. Ah, d'ailleurs, on est assuré que la finale des Olympiques va être popée parce que Céline Dion sera pas là. Ah. Fait que ça va être peut-être même meilleur. C'est supposé être là, j'aime. Ouais. Non, mais là, les gens voulaient qu'elle soit là, puis elle a dit non. Je pense qu'elle a pris une bonne décision. En tout cas, c'est pas le sujet de l'émission. On va parler d'accident d'avion, donc maintenant, d'accident de choses qui volent. On débute avec Glenn Miller, qui est décédé le 15 décembre 1944 à l'âge de 44 ans. 40 ans, ouais. En 1944, donc, Glenn Miller était capitaine dans l'armée américaine. Il était chef de son orchestre, c'est-à-dire le Glenn Miller Orchestra, qui se nommait, en fait, pour le temps de la guerre, c'est le Glenn Miller Army Orchestra. Continuant à enregistrer quand même des pièces. Vous savez, il a enregistré une de Moon, des choses comme ça. J'ai pas d'exemple, là, mais c'est de la musique des années 40 typique, là, avec des big bands, orchestre avec beaucoup de cuivre. Ouais, c'est bon, ça. Ouais, ben ça sonne bien, c'est calme, c'est le fun. Et donc, le 15 décembre 1944, il embarque dans un petit avion pour la France et donc, il il allait préparer l'arrivée de son orchestre. Donc, il s'en allait seul là-bas pour voir comment ça allait fonctionner. Mais ce jour-là, il y avait un épais brouillard et l'avion n'est jamais arrivé à destination. Elle s'est crashée. Et selon l'historien, donc, elle aurait traversé par mégarde au-dessus de la Manche une zone réservée au délestage des bombardiers alliés qui étaient de retour d'Allemagne. Donc, il se débarrassait de bombes qui n'avaient pas servi pendant le bombardement pour pouvoir donc se poser en douceur. Et son avion aurait été touché par une de ces bombes-là. Donc, Glenn Miller a tout simplement disparu entre la France et l'Angleterre dans son avion le 15 décembre 1944. Et c'est le plus vieil accident d'avion qui comporte une rockstar qu'on a pu répertorier, en tout cas selon les sources que j'ai consultées. Par la suite, c'est le jour que la musique est morte. Et ça, c'est très simple. Ça vient de la pièce American Pie, The Day That Music Died, qui est en fait la pièce de Don McLean, Bye Bye Miss American Pie. Ouais, celle qui a été refaite par c'est qui, Madonna. Ouais, Madonna qui l'a refaite, mais il y en a d'autres qui l'ont faite aussi, je pense. Mais la pièce originale reste très, très bonne. C'est reste meilleure que celle-là. En fait, il parlait de l'accident d'avion de Buddy Holly, Richie Valens et Big Bopper, qui sont décédés la même journée. En fait, ils étaient dans le même avion. Donc, c'est le 3 février 1959. Buddy Holly avait 22 ans. Richie Valens, le gars de la Bamba, avait 17 ans. Et The Big Bopper, son vrai nom, J.P. Richardson, est décédé l'âge de 28 ans. Et donc, ils avaient pris un avion, eux, parce que, vous savez, à cette époque-là, les groupes faisaient les chanteurs, chanteuses faisaient des grosses tournées avec plusieurs musiciens, plusieurs groupes en même temps. Plusieurs artistes en même temps faisaient des shows. Et eux, les trois, devaient aller faire un autre concert dans une ville à côté. Donc, ils sont partis le matin, à 1h05 du matin. Dans un petit avion, un petit Cessna, donc pour transporter pas grand monde. Et malheureusement, donc l'avion s'est écrasé en route pour cette place. En fait, c'est un concert près de Fargo au Dakota du Nord qui devait avoir lieu. Et les trois musiciens sont décédés sur le coup, ainsi que Roger Peterson, donc qui est mort également. C'était le pilote de l'avion. Et donc cette pièce-là, American Pie, rend hommage justement un peu à cette mort-là, The Day That Music Died. En plus, qui a été repris lors de la mort de John Lennon, ce titre-là, en fait, le Time Magazine, donc titrait The Day That Music Died pour John Lennon également. Mm-hmm. Donc c'est quelque chose qui reprend, qui sera repris probablement lorsque d'autres grandes icônes de la musique. Ouais, c'est un peu comme Candle in the Wind. Ouais, qui a été repris pour la princesse Diana, mais qui au départ avait été écrit pour Marilyn Monroe. C'est ça? Marilyn Monroe. Ouais. J'ai aucune idée, j'ai dit ouais, c'est Marilyn ça. Marilyn Monroe, effectivement, mais c'est drôle parce qu'Elton John, il a écrit ça quand même un bout après que Marilyn Monroe soit mort. C'est plutôt un hommage à Marilyn Monroe et il l'a remanié pour la princesse Di et ça va probablement réarriver, effectivement, dans le futur. Eh oui. Par la suite, on a Patsy Cline qui est décédée en mars 1963 à l'âge de 30 ans, donc dans un accident d'avion également au Tennessee alors qu'elle revenait de Kansas City. Il y a eu, comme je disais, il y en a que j'ai enlevé, c'est qu'en fait, il y avait d'autres personnalités de la chanson country, Patsy Cline étant une chanteuse country. C'est elle qui a chanté Crazy, qui a inspiré le nom du film Crazy. Donc, Crazy, le film québécois, là, pas un film américain quelconque. Et elle est décédée en même temps que Oxa Hawkins, Cowboy Copas et Randy Hughes, qui sont... en fait, Randy Hughes, c'était son manager qui pilotait l'avion. Et donc, Oxa Hawkins et Cowboy Copas sont deux chanteurs de country également. Et en plus, le chanteur Jack Engling, qui est également un chanteur de country, qui est mort dans un accident de voiture en se rendant à l'enterrement de Patsy Cline. Donc, c'est un genre de petite... une petite malédiction de ce côté-là, malheureusement. Donc, c'est très dommage quand il y en a plusieurs qui décèdent. Et c'est pas les seuls. On va voir par la suite. Il y en a d'autres qui subissent le même sort. Otis Redding, maintenant, est décédé le 10 décembre 1967 à l'âge de 26 ans. C'est son avion personnel avec les membres de son groupe de Backcase qui s'est abîmé dans le lac du Wisconsin. Il y a eu un seul survivant. Otis Redding est décédé trois ans, jour pour jour, après la mort de Sam Cooke. Sam Cooke qui avait été poignardé à mort, qui est un chanteur de soul R&B également. Très très connu, qui avait chanté de très très bonnes pièces, Sam Cooke, mais malheureusement sa mort était, en tout cas on n'est pas sur ce sujet-là, sa mort était douteuse. Mais donc Otis Redding le 10 décembre 1967, et avant d'aller en musique, on va en fait juste couvrir la dernière un autre groupe qui est décédé, c'est Lynyrd Skynyrd. En fait c'est pas le groupe au complet, mais c'est Ronnie Van Zant, chanteur de la formation, Steve Gaines et Cassie Gaines, donc, qui sont décédés le 20 octobre 1977. Il y a eu un accident d'avion, effectivement, qui a coûté la vie à plusieurs membres du groupe, dont le chanteur Ronnie Van Zandt. Le groupe, donc, il y a eu des survivants. Le groupe a été reformé en 1987, entre autres avec le frère de Ronnie Van Zandt. Mais quand même, c'était pas la même chose. Et il y a eu une grosse pierre tombale qui a été érigée auprès du lac où c'est qu'ils sont décédés. Et elle a été volée, retrouvée par la suite, quelqu'un qui l'avait mis dans son garage. Donc voilà, et Lynyrd Skynyrd, donc, ils sont décédés. Et ça a amené Nicolas Cage à dire dans Air Bagnard, lorsque les gars écoutaient Sweet Home Alabama, ils disent « C'est drôle, on est dans un avion, on écoute un groupe qui sont morts dans un accident d'avion. » Petite référence de film poche que j'aime bien acheter. Donc voilà, c'est pour le premier bout. On peut aller en musique maintenant à l'entendre. C'est Buddy Holly de Weezer. Je me suis dit, tu sais, vu qu'il est mort dans un avion, ben on peut... Sûrement que ses lunettes ont survécu, par contre. C'est quoi? Il y a des grosses lunettes. Ces lunettes, oui. Ouais, c'est tellement gros, ça. Je pense que dans 1000 ans, ils vont encore exister, ces lunettes-là. Ouais. Ça a inspiré Drew Carey, d'ailleurs, qui portait des lunettes assez larges. Donc. Ben oui, les discussions, c'est les lunettes de hipster, toi. Ah ouais, mais tu sais, c'est plate, ça soit à mode, parce qu'on a l'air suiveux quand on met ça, mais comme moi, je dis, ça fait longtemps que j'en veux. Ouais, moi aussi. Un magasin sur eBay. Ouais, pas fou, mais j'en ai vu dans un magasin aussi des Rivières, mais tu sais, ça devait pas être trop fiable comme force, tu sais, je veux dire... Ouais. En tout cas, c'est prouvé que peu importe la grosseur de vos lunettes, ça vous sauvera pas la vie dans un accident d'avion. Mais non, effectivement. Donc, on parlait, bien sûr, on fait allusion à Buddy Holly, qui est décédé en même temps que Richie Valens et The Big Bopper. Mais il y avait aussi d'autres, puisqu'on fait une liste des artistes, des rockstars qui sont décédés dans des accidents d'avion ou d'hélicoptère. D'objet volant identifié. L'objet volant identifié, ça, si c'est un ovni, on peut pas en parler. Parce que on saura jamais. On saura jamais. T'as la zone 51. C'est ça. Mais... Tu regardes des Bermudes, etc. etc. Ouais. Ça pourra pas partout, tu regardes des Bermudes. Hein. Mais c'est des avions, par exemple, qui passent là-dessus. Hein. Ouais, mais à ce qui paraît, il y aurait un rapport. Ça doit être l'île de Lost qui est là. C'est ça, c'est le Smoke Monster ou peu importe. Ah, d'ailleurs, de plus en plus, c'est de plus en plus... concret ce qu'ils nous montrent là, dans la nouvelle saison. Là, c'est la dernière saison. Est-ce que tu penses que ça va finir sur un mystère et qu'on ne saura jamais la fin? Je sais pas. Ben, je pense que s'ils font ça, en tout cas, ils vont se mettre beaucoup de monde à dos. Tellement. Ils vont faire un spin-off. Ça va être juste le Smoke Monster, son propre, sa propre émission. Ça va être comme la fin des Sopranos. Ça, c'est oui. C'est quoi la tune de Journey qu'il y avait dans ça, genre? Je sais pas. Ah, ça finissait sur une musique qui coupait, puis ça allait directement au noir, un fade to black. Ouais, puis le volley punch. C'est vraiment dommage, mais ben, de toute façon, tout le monde le savait, ils en ont tellement parlé par c'était la suite. C'était parodié au bout, toi. Mais c'est que ça laisse les gens imaginer qu'est-ce qu'ils veulent avec la fin. Donc, ce qu'on pourrait faire aussi avec la chronique, on pourrait finir demain. Ben oui. Non, mais c'est peut-être mieux pas. On va continuer, pourquoi pas. On pourrait passer juste un autre 10 minutes à parler d'affaires qui n'ont pas rapport avec ta chronique aussi. Ouais, on peut faire ça aussi. Mais bon. Puis, t'as-tu écouté à regarder des trucs? Non, pas encore, non. Non, mais on va reprendre sur ce sujet. Ah, excuse-moi. Non, mais tu sais, on va continuer. Donc, on professionnel, était... Professionnel, ouais. Ben, j'essaye un petit peu, mais en tout cas. On était rendu, donc je vous avais parlé de Lynyrd Skynyrd, de trois membres qui sont décédés dans un accident d'avion le 20 octobre 1977. Et par la suite, on a Randy Rhoads, qui était guitariste pour Ozzy Osbourne dans son groupe Blizzard of Oz au début des années 80, qui a été également membre fondateur de Quiet Riot, qui est un groupe de metal qui a mal tourné, selon moi. En tout cas, je les connais pas assez pour me plaindre. Donc, Randy Rhoads est décédé le 19 mars 1985, également dans un accident d'avion. Et qu'est-ce qui est arrivé, en fait? C'est que... donc, 80, j'ai 85, mais c'est 82, pardon. Donc, en 82, il fait son dernier concert à Knoxville. Et le lendemain, le groupe devait arrêter en route vers Orlando dans la maison, en fait, le ranch du directeur de tournée. Et il y avait une petite avion, une toute petite avion pouvant contenir 3-4 personnes qui étaient là. Donc, Randy voulait faire un tour d'avion avec, entre autres, il y avait sa coiffeuse de tournée qui était avec lui. Mais le pilote qui devait piloter, en fait, qui a piloté, sa licence médicale était expirée. Donc, il était en danger s'il volait avec lui parce qu'il n'avait pas repassé les tests médicaux. Et donc, l'avion volait très, très, très bas. Et ils ont essayé en même temps de faire peur aux gens qui étaient autour de l'autobus de tournée en passant le plus bas possible. Malheureusement, l'avion qui était à 120-150 nœuds a crashé tout simplement dans le sol. Ça l'a décroché tout simplement. C'est lorsqu'il y a un vent inverse qui vient un peu jouer avec les ailes de l'avion. Et donc, l'avion s'est écrasé. Randy Rhoads est décédé sur le coup, ainsi que Rachel qui était sa coiffeuse. Malheureusement, donc Randy Rhoads, qui est un des grands guitaristes du heavy metal, vraiment admiré de tous et qui est mort beaucoup trop jeune. Il commençait à faire la musique. Ben, en fait, il commençait quand il était très jeune, mais il est mort à 25 ans. Malheureusement, mort trop jeune. Par la suite, on a Rick Nelson en 1985 qui est décédé à l'âge de 45 ans. Rick Nelson, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un chanteur en fait du style un peu de Elvis Presley et des stars de l'époque. Donc, il faisait de la chanson. Il a commencé à 17 ans donc dans les stations locales et il a commencé à s'élever. Et donc, il y a eu une période creuse des années 70 à 80 en général. Et en 85, en fait, dans les années 80 en général, il a recommencé à prendre la popularité grâce à un mouvement de revival qu'on appelle. Donc, les gens recommençaient à acheter ses albums. Et il est allé faire un concert en Angleterre, ce qui était vraiment très, très bon. Et par la suite, donc, les gens commençaient à acheter de ses albums et essayer de faire pareil aux États-Unis. Mais malheureusement, son avion donc s'est écrasé lui aussi. Elle s'est écrasée, afin que je me trompe, dans le coin du Texas, oui. C'est... Ça va, Simon, ça va. Ouais, c'est Jacques Demers, moi. Ah oui. Ouais, mais j'ai entendu Paul Arcand à radio l'autre fois, puis il a fait ça pareil. Mais il s'est pas excusé, rien. Moi, je m'excuse au moins. Je m'excuse d'avoir... T'es fin. As-tu entendu, il y a une pub pour je me rappelle pas quoi, mais c'est vraiment quelqu'un qui est en train de lire les nouvelles. C'était, j'ai entendu ça à sa chaîne. C'est la pub, là, il y a comme une fille qui lit les nouvelles. Ça fait comme... information, là, elle lit ses nouvelles, puis elle se met à s'étouffer. Là, ça annonce quelque chose qui n'a pas rapport avec le fait qu'elle s'étouffe. Mais c'est comme tu penses vraiment que c'est l'électrice de nouvelles qui s'étouffe. C'est bien comme pub. Ah, faudrait que je voie ça m'emmener. Très cool. C'est hard. C'est intéressant. Ouais, quand même. Non. Ben. Bon, Rick Nelson, hein, qui est décédé. Donc, son avion s'est écrasé au Texas. Sa fiancée est également tuée, Ellen Blair. Son bassiste et son batteur sont aussi décédés. Donc, une grosse gang de monde sont morts. C'est un avion quand même. Donc, seulement quand un avion crash, c'est rare qu'il y ait des gens qui reviennent À la vie. À part les zombies. Qui survivent, ouais. Ou à part les zombies, justement, qui reviennent à la vie. Et on dit, en fait, que ça aurait pu être à cause de la cocaïne qui sont décédés. Donc, il y aurait eu des turbulences dans l'avion parce qu'il était sous l'effet de la cocaïne, tous les membres du groupe. C'est pas pour Rick Nelson, mais bon, c'est une rumeur qui persiste. Par la suite, on a Stevie Ray Vaughan, le 27 août 1990, ce grand guitariste de blues qui, je vais hocher de la tête. Tu le connais? Ben oui. Toi, Mathieu, tu le connais? Mm-hmm. Non? T'as jamais joué au curling avec? Non. Ah, bon, peut-être un jour, mais il est décédé le 27 août 90. Donc, une fois que ta machine à voyager dans le temps va être bâtie, on va y aller. Un jour! Donc, ça, c'est triste quand même pour Stevie Ray Vaughan, puisqu'il y a eu beaucoup de problèmes de drogue et d'alcool dans sa carrière et quand il était jeune. Mais c'était vraiment un virtuose de la guitare. Et il a décidé, en fait, il a réussi à tout battre ses problèmes de drogue et d'alcool et de revenir sur la scène, donc sur le devant de la scène à la fin des années 80, début des années 90. Malheureusement, le 27 août, donc il décède le 27 août au matin dans un accident d'hélicoptère qui a été causé par un brouillard près de, dans le Wisconsin. En fait, il retournait à Chicago et il venait de donner un concert avec Eric Clapton, Buddy Guy et Robert Cray qui était là, son frère également, Jimmy Vaughan qui était sur la tournée. Et Eric Clapton, ce qui est très très bizarre là-dessus, c'est qu'ils ont pris un hélicoptère à partir du Texas pour se rendre à Chicago. Et donc, il y avait plusieurs hélicoptères. Eric Clapton a manqué celle qui devait le ramener, qui était celle de Stevie Ray Vaughan. Donc, Eric Clapton aurait pu également décéder cette journée-là. Imaginez le drame. Deux grands guitaristes, deux des plus grands guitaristes de blues qui décèdent. Ça aurait été assez affreux comme journée. Mais donc, Eric Clapton avait manqué son hélicoptère et a pris celle qui suivait. Et malheureusement, lorsqu'ils sont arrivés, celle de Stevie Ray Vaughan n'était pas là. Ils se sont écrasés donc au-dessus d'un lac, malheureusement. Donc, c'est une des morts tragiques et c'est quand même récent. Donc, les gens sont un peu plus touchés lorsqu'on parle de l'histoire de Stevie Ray Vaughan. Ça fait 20 ans cette année. Donc, on continue. Ensuite, en 1991, là, je trouve ça plus... Ben, c'est pas que ça me touche pas, mais c'est en fait, c'est le groupe de Reba McEntire. Vous savez qui est Reba McEntire? Elle a fait une excellente sitcom, par contre. Ouais, ben c'est ça. Bon. Elle s'est recyclée en actrice, mais c'est une chanteuse country. Et donc, son groupe au complet est décédé. Je veux pas rire là, de ça, mais quand même, c'est que son groupe au complet est mort. Elle a survécu parce qu'elle prenait pas l'avion, en fait, cet avion-là. Non, mais c'est qu'elle tout simplement avait pas pris le même avion qu'eux. Ils revenaient de faire un concert pour IBM. Donc, IBM les a engagés pour faire un show. OK. On fait des ordi, mais on écoute du country. Ça a bien rapport à ça. IBM. Ouais, ouais. Voilà, ils ont pris l'avion. Malheureusement, cet avion-là c'est abîmé à 1h45 du matin. Donc, malheureusement. Mais Madame McEntire n'était pas là. On ne sait pas, malheureusement, si elle a pris... Si simplement parce qu'elle avait pris un avion privé ou quelque chose comme ça, ou si elle avait décidé de rester là. Mais souvent, c'est des choses qui arrivent. C'est souvent des coïncidences, des choses de... je vais prendre l'avion avec vous, comme Eric Clapton, justement, méchante coïncidence, qui n'avait pas embarqué. Il y en a d'autres comme ça que ça arrive. J'ai pas nécessairement spécifié, mais c'est arrivé pour d'autres personnes. Mais tu veux, si toi qui es fan de PC, si ce groupe-là avait été fan de Mac, il serait probablement pas mort. Non, parce qu'en plus, Mac n'avait pas d'argent dans ce temps-là. 1990, il était dans le trou, fait que... Il venait de mettre Steve Jobs à la porte pour le réengager quelques années plus tard. Il connaît son histoire de mec. C'est Simpson qui m'a montré ça. En tout cas, on dérape. Mais c'est vrai, peut-être qu'il serait pas mort s'il aurait pas fait de show pour IBM. Par la suite, on a John Denver qui, au départ, m'a inspiré un peu cette chronique. Il est décédé le 12 octobre 1997. En fait, il était passionné par deux choses par la vie, John Denver. C'était la musique et l'aviation. C'était un pilote très expérimenté et il pilotait des jets, donc des avions en réaction. Et il aimait beaucoup faire de l'acrobatie aérienne, ce bon vieux John. Et malheureusement, donc, ça lui a causé la mort. Il s'est frappé, donc il s'est crashé, malheureusement, en mer en faisant des figures acrobatiques. Et c'est ce qui m'a inspiré un peu parce que, encore, citation de film Keten, Destination ultime, le premier, à chaque fois que quelqu'un s'en va pour mourir, et eux autres, ils étaient supposés d'embarquer dans un avion, finalement, s'en sont tirés parce qu'ils se sont fait jeter dehors. Et la mort les pourchasse. Ouais, la mort les pourchasse, mais c'est qu'à chaque fois que quelqu'un s'en va pour mourir, il y a une pièce de John Denver qui joue, c'est Colorado quelque chose. Et donc, à chaque fois, vraiment, c'est la même pièce de John Denver qui embarque. Ou c'est une pièce en général de John Denver qui joue. Okay. Puis c'est quand même récent, là, la mort de John Denver en 97. Le film a été fait genre en 99-2000 dans les alentours. Donc, c'était pratiquement se moquer de la mort de quelqu'un. C'est triste, ouais. Ouais. Est-ce que t'as vu le plus récent Destination Ultime? Celui qui est en 3D? Non, j'ai lâché d'écouter ça après le premier. C'est quoi, c'est le 14e, ça? Je sais pas trop. C'est le 4e. Ouais. Il est sorti sur DVD, genre, mais il est pas en 3D. Fait que toutes les affaires où les affaires plongent dans la caméra pour être 3D, c'est raté, hein, sur DVD. Ouais, mais c'est ça, mais la technologie du 3D, ce qui arrive au cinéma, c'est ça qui va. Ben, en fait, c'est ça qui va arriver. C'est que les gens vont être affreusement déçus quand ils vont arriver avec leur DVD ou leur Blu-ray, parce que ça va être ordinaire comme film. Ouais. Avatar, moi, je voulais le voir au cinéma, justement, parce qu'en DVD, ça vaut pas la peine. Il est encore à l'affiche? Je sais pas. Mais... je peux toujours pas aller le voir. Moi non plus, il faudrait y aller. Hein. Ouais. On va y aller en groupe. Ouais. Sortie de groupe, là. Ouais. On va aller voir ça, puis Frozen avec Émilie Gauthier. Frozen. Ouais, Frozen, t'es pas... Non? Non. Pas une autre parenthèse, hein? Dans une autre parenthèse. Un film où les gens sont pris dans un remont de pente pendant toute une nuit, puis leur peau s'arrache. Genre, c'est comme... Toi aussi, hein, tu doutes du fait qu'il puisse exister un film vraiment basé sur le fait que des gens passent une nuit dans un chairlift, dans une station de ski. Ouais, je doute de ça. Mais ils ont fait un film avec des serpents sur un avion. C'est exactement le parallèle que je faisais hier avec... Ouais, voilà. Full circle ici, tout revient à ça. Oh, hey, on est bon. On est des professionnels. T'sais, en plus, Snakes on a Plane, accident d'avion, chronique d'aujourd'hui. C'est le fun. Samuel L. Jackson, non du tout, ça n'a pas de lien. Mais... non, Samuel L. Jackson, non, il n'y a pas de lien. Il sacre, sûrement que les gars ont sacré quand leur avion crache. Ouais, probablement. Avant, sûrement. Ouais. Probablement et avant. Et on arrive à la dernière personne, en fait. C'est pas une rock star comme telle, c'est plus une star de la pop qui n'a pas eu le temps vraiment de devenir géniale. Mais donc, c'est Alaya qui est décédée le 25 août 2001 à l'âge de 22 ans. Elle venait de tourner son clip Rock the Boat dans les Bahamas et donc elle avait pris encore un petit avion Cessna. C'est tant des petits avions qui s'écrasent malheureusement. Donc, morale, ne prenez pas des petits avions. Prenez pas des petits avions, juste des gros. Les gros 747 ou plus. Et donc, elle est décédée le 25 août à 18h49. C'est beau la technologie. Plus qu'on avance, plus qu'on est précis. Ouais. Et donc... Elle venait justement de tourner ce film-là. Pas ce film-là, mais ce vidéoclip-là. Et il y avait trop de gens dans l'avion. Donc, il y avait un poids supplémentaire qui fait que l'avion avait de la misère à prendre l'altitude. Et lorsque, justement, on rencontre un vent contraire et que l'avion décroche, s'il y a trop de monde dedans, c'est trop difficile de reprendre le contrôle. Et c'est abîmé en mer. Et elle venait de tourner un film, le film La Reine des Damnés, ouais, qui raconte un peu l'histoire de Lestat qui devient un rockstar. C'est un très, très mauvais film, encore. J'aurais pu faire une parallèle de mauvais film tout le long. Et elle était aussi destinée à tourner dans le film The Matrix, mais malheureusement, c'est pas arrivé. Et c'était donc cette fameuse chronique sur la mort des rockstars qui termine le mois de la mort et qui montre à quel point parfois que notre carrière peut prendre de l'essor une fois qu'on décède et également qu'on laisse une image à jamais. On sait jamais, tu sais, si Buddy Holly serait mort à 65 ans, gros, chauve, puis qu'il aurait eu des problèmes de drogue le restant de sa vie, peut-être qu'il aurait été moins connu que maintenant. Et peut-être qu'aujourd'hui, les gens porteraient pas des lunettes comme lui. Des grosses lunettes comme lui, effectivement. Ce serait moins cool. Hey, on est dans un club de lunettes, nous trois. On a trois des, hey, c'est trois vrai? Des lunettes. C'est pas... Un club de cool. Lunettes. Oui, le Lunettes Clubs. On devrait se partir un club de discussion de lunettes, genre. Ouais. On fait une émission, c'est qu'on parle des différents modèles de lunettes qui sont sortis cette année. Il y a plein de fois qu'on pourrait faire aussi. Tu pourrais être le PC, moi le Mac, toi le Linux. Oui. Hey. On pourrait faire des maquettes aussi de lunettes. Je sais pas, du modèle, quelque chose. Donc. Ouais, des dessins 3D de lunettes aérodynamiques. Tu vois comment nous autres, on parle d'affaires d'un vrai gars. C'est d'affaires viriles. On est viril. Ouais. Des j'ai lunettes et des ordi. Ouais, on a toute la barbe, en fait, aussi. Je suis juste pas rasé, moi, c'est pas de la vraie barbe. Ouais, mais ben, à l'air de bien s'en venir. Merci. j'aime ça. Je trouve que c'est vraiment des longs moments délicieux. Ouais, c'est le fun. Le monde à la maison trouve ça drôle. Ouais. Ok, sûr? Je vais le faire. Enrique. Hein? Ouais, genre. Attention, parce qu'ils vont nous poursuivre. Oui, c'est ça. Faut pas dire des vrais mots qui est. Ouais, juste des références floues et subtiles. Mm. C'est pas ma spécialité. Ah, tu sais, c'est du gros professionnalisme, ça, de se mettre à rire dans le studio et de s'époumoner comme un fou. Puis de casser des tasses. Ah non, c'est une autre référence à quelque chose qui existe pour vrai. Casser des tasses. Les grandes gueules cassent des tasses à la radio. Ah ouais? Ouais. Ah, ils sont mauvais. I know that! Ah, mais ils ont l'air de des beaux métros sexuels sur les autobus. Ils ont des beaux favoris. Puis ils ont l'air sérieux, tu sais. C'est comme si c'est des comiques, mais ils ont des faces de sérieux. Puis ils se croisent tous les bras, vous remarquerez ça. Oui. Oh oui. Cacher leur bédaine. Ça serait drôle, c'est assez fou. On faisait ça, nous aussi, hein, des pubs qui mettent à l'avant les animateurs là, avec nos faces. Là. Ça serait tellement pas attirant, je trouve. Avec nos grosses faces. Là, oh, il me semble. Merci pour Simon qui dit que c'est une grosse face. Ben non, mais moi, je parlais de moi. Là, ah. Mais non, mais je suis bien d'accord, moi non plus. L'autobus pognerait des accidents. En fait, pas l'autobus, mais les ouais, chars les qui suivraient les autobus pogneraient des accidents. Je serais dessus, probablement. Ouais. Ouais. Ce sera notre. Ce qu'on va léguer aux gens, c'est. Le nombre de morts à cause de nos faces et plus. Ce sera la tradition et ce qu'on va léguer. Bon, promotion maintenant, plugons. Oui. Let's plug away. Simon fait du bien, on s'appelle et on déjeune. L'émission du matin de C'est fou, c'est du lundi au jeudi de 7h à 9h. Yes. T'animes aussi Krautrock les lundis à 18h. Oui. C'est le style musical Krautrock qui est en vedette là-dedans. Oui. T'animes l'émission Album Classique, ou l'émission, pas Album Classique, c'est vendredi matin à 10h, rediffusion mardi 14h. Et ton assiette. Est-ce blababa? It's l'assiette complète de Carré aux dates sur tes éphémérides musicaux. Le jeudi à midi. C'est à l'intérieur du dîner de con qui, lui, est entre 11h et 13h. Écoutez, non, émission complète à la place de s'intoniser à midi, s'il vous plaît. Ben oui, mais restez sur les ondes de C'est fou toute la journée. Forever and ever. Et aussi, ben, on te retrouve aussi mercredi prochain ici à l'émission. Ben oui. Avec une autre chronique. Yes. Pas des aides. Donc, t'es-tu encore en train de travailler là-dessus? Toi, il me semble que ça fait des mois que je te vois gosser, puis je sais toujours pas ce que c'est. Ben là, c'est un vibromasseur, il me semble que c'est évident. Ben c'est parce que ça ressemble vraiment plus à un... Ah! Oh! Je pense que je vais recommencer. Kivon et Mathieu, assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées du lundi au jeudi de 15 à 17h à C'est fou.